Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 37. Et il arriva que lorsque le roi Ézéchias les eut entendus, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et entra dans la maison du Seigneur. Et il envoya Éliacim, qui était intendant de la maison, et Sobna le scribe, et les plus anciens d'entre les prêtres, couverts de sacs, vers Isaïe le prophète, fils d'Amos. Et ils lui dirent: Voici ce qu'a dit Ézéchias. Jour de tribulation, de reproche et de blasphème est ce jour-ci. Parce que des enfants sont venus jusqu'à l'enfantement, et la force manque à la mère pour enfanter. Peut-être que le Seigneur ton Dieu entendra les paroles de Rabsacès qu'a envoyé le roi des Assyriens son maître, pour blasphémer le Dieu vivant, et pour l'insulter par les paroles qu'a entendues le Seigneur ton Dieu. Fais donc monter une prière pour les restes qui ont été retrouvés. Et les serviteurs du roi vinrent vers Isaïe, et Isaïe leur dit: Vous direz ceci à votre maître. Voici ce que dit le Seigneur. Ne crains point à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles m'ont blasphémé les serviteurs du roi des Assyriens. Voilà que moi je lui enverrai un esprit de frayeur. Il apprendra une nouvelle et il retournera dans sa terre, et je le ferai tomber par le glaive dans sa terre. Or Rabsacès retourna et trouva le roi des Assyriens formant le siège de Lobna, car il avait appris qu'il était parti de Lachish. Et Sennachérib entendit, au sujet de Taraka, roi d'Éthiopie, des gens disant: Il est sorti pour combattre contre vous. Ce qu'ayant entendu, il envoya des messagers à Ézéchias, en disant: Vous direz ceci à Ézéchias, roi de Juda. Qu'il ne vous trompe pas, votre Dieu, en qui vous vous confiez, disant: Jérusalem ne sera pas livrée à la main du roi des Assyriens. Voilà que vous-même, vous avez appris tout ce qu'ont fait les rois des Assyriens, à tous les pays qu'ils ont détruits. Et vous, vous pourrez réchapper? Est-ce que les dieux des nations ont délivré ceux qu'ont détruits mes pères, c'est-à-dire Gozam et Haram et Resef et les fils d'Éden qui étaient en Thalassar? Où est le roi d'Emath et le roi d'Arphad et le roi de la ville de Sépharvaïm, d'Ana et d'Ava? Et Ézéchias reçut les livres de la main des messagers, et les lut, et il monta à la maison du Seigneur, et Ézéchias les étendit devant le Seigneur. Et Ézéchias pria le Seigneur, disant: Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui êtes assis sur les chérubins, c'est vous qui êtes seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est vous qui avez fait le ciel et la terre. Inclinez, Seigneur, votre oreille et écoutez. Ouvrez, Seigneur, vos yeux et voyez. Et écoutez toutes les paroles de Sennachérib qu'il a envoyées pour blasphémer le Dieu vivant. Car il est vrai, Seigneur, les rois des Assyriens ont rendu déserts les pays et leurs contrées. Ils ont jeté leurs dieux au feu. Car ce n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont mis en pièces. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, sauvez-nous de sa main. Et qu'ils sachent tous les royaumes de la terre que c'est vous qui êtes le seul Seigneur. Et Isaïe, fils d'Amos, envoya vers Ézéchias, disant: Voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. À l'égard de ce que tu m'as demandé touchant Sennachérib, roi d'Assyrie, voici la parole que le Seigneur a dite à son sujet. Elle t'a méprisé et elle t'a raillé, la Vierge, fille de Sion. Derrière toi, elle a secoué la tête, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté? Qui as-tu blasphémé? Et contre qui as-tu élevé la voix et porté en haut tes yeux? Contre le Saint d'Israël. Par l'entremise de tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit: Avec la multitude de mes quadriges, moi je suis monté sur la hauteur des montagnes, les chênes du Liban. Je couperai les cimes de ses cèdres et ses plus beaux sapins, et je pénétrerai jusqu'à la pointe de son sommet, jusqu'à la forêt de son Carmel. C'est moi qui ai creusé des sources, et j'ai bu de l'eau, et j'ai séché par la trace de mon pied toutes les rivières retenues par des digues. N'as-tu donc pas ouï dire les choses qu'autrefois j'y ai faites? Dès les temps anciens, c'est moi qui ai disposé cela. Et maintenant, je l'ai amené et accompli en détruisant les collines qui s'entrechoquaient et les cités fortifiées. Leurs habitants à la main raccourcie ont tremblé et ont été confondus. Ils sont devenus comme le foin d'un champ et le gazon d'un pâturage, et l'herbe des toits qui a séché avant qu'elle fût mûre. Ton habitation et ta sortie et ton entrée, je les ai connues, ainsi que ta fureur extravagante contre moi. Lorsque tu étais furieux contre moi, ton orgueil est monté à mes oreilles. Je mettrai donc un cercle à tes narines et un mors à ta bouche, et je te ramènerai par la voie par laquelle tu es venu. Mais pour toi, Ézéchias, voici un signe. Mange cette année de ce qui naîtra de soi-même, et en la seconde année, nourris-toi de fruits. Mais en la troisième année, semez et moissonnez, et plantez des vignes et mangez-en le fruit. Et ce qui sera sauvé de la maison de Juda, et ce qui est resté, jettera racine en bas et fera du fruit en haut. Parce que de Jérusalem sortiront des restes et ce qui sera sauvé de la montagne de Sion. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur du roi des Assyriens. Il n'entrera pas dans cette cité, n'y lancera pas de flèches, et pas un bouclier ne l'occupera, et il n'élèvera pas de terrasse autour d'elle. Il retournera par la voie par laquelle il est venu, il n'entrera pas dans cette cité, dit le Seigneur. Et je protégerai cette cité, afin que je la sauve à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Or un ange du Seigneur sortit, et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. On se leva le matin, et voici que tous étaient des corps de mort. Et il partit, et il s'en alla, et il retourna Sennachérib, roi des Assyriens, et il habita à Ninive. Et il arriva que, comme il adorait dans le temple de Nesroch son dieu, Adramélec et Sarasar ses fils le frappèrent du glaive, et s'enfuirent dans la terre d'Ararat, et Assaradon son fils régna en sa place. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.